je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Psychopathe. Truc de fou. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Nos passaranes. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Bonsoir à tous, bienvenue au fond près du radiateur. Avec Alexis ce soir. Bonsoir Paris. Avec Thomas à la technique. Et donc moi-même pour cette nouvelle émission ce mardi qui sera consacrée, on a souhaité faire un petit partenariat avec l'émission Radio Zinzine qui a passé ce 12-14 février une émission consacrée aux Gilets jaunes, à, il me semble que c'est dans les Hautes-Alpes, Fort Casque. On va vous le réécrire hein, dans le lien et dans le début de l'enregistrement. On avait envie d'avoir autre chose que des retours sur les Gilets jaunes à Paris, sur l'Île-de-France, parce que c'est un fonctionnement différent de ce qu'il y a notamment justement dans ces départements, Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, voilà, ça fonctionne différemment. Il y a beaucoup de monde apparemment sur place et pas que le samedi. Donc voilà, on va lancer l'enregistrement. Alexis. Bonsoir. Bah, au fond près du jukebox, on va faire un petit retour sur un petit peu l'actualité, sur des événements un petit peu à venir, sur des gens qui ont participé à l'émission, qui sont venus auparavant, qui refont un petit peu des événements, et ensuite on fera un petit point actualité tous ensemble. Super. À toi, Thomas, tu peux lancer l'enregistrement de Radio Zinzine. 106.3 FM. Gilets jaunes à Manosque et Fort-Calquier, les 11 et 12 janvier 2019. Janvier 2019, c'est le jour où il y a une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, ce qu'on appelle l'acte 9, des mobilisations un peu partout, de grandes manifestations, par exemple à Marseille, au niveau national à Bourges, puisque c'est une des villes les plus centrales de France, avec un ton qui se durcit, une ambiance qui se durcit, au niveau du ministère de l'Intérieur aussi, on durcit le ton, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que du côté des Gilets jaunes, qui sont dans la rue, il y a une détermination qui se poursuit et qu'ils estiment ne pas avoir eu de réponse à la hauteur de leurs besoins, de leurs demandes, et disant qu'ils ne font pas ça pour le plaisir, quoi. Alors on va écouter quelques-uns d'entre eux dans ce contexte, mais sans chercher à faire une analyse particulière ou une vue générale, puisque c'est comme ça, en rencontrant les gens dans la région, en Provence, à Manosque en l'occurrence, où on n'a pas beaucoup été. Donc là, c'était une occasion ce vendredi 11, donc la veille de ce qu'on appelle l'acte 9. Vendredi 11 dans l'après-midi, près du rond-point qui est un des endroits les plus occupés dans la région Provence, dans le haut de la Provence en tout cas, puisque c'est un rond-point très actif donc depuis le début. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un dégagement, une intervention policière radicale quelques jours avant le 11, c'était le mardi je crois, peut-être le 8 dans ces jours-là. Ensuite, dans la même journée, il y a des gilets jaunes qui sont montés à Manosque, il y a eu des affrontements, il y a eu des arrestations, il y a un sapin qui a brûlé, etc. Donc ça a fait du bruit, ça a été particulièrement spectaculaire cette journée. Et n'empêche que du côté des gilets jaunes de Manosque, en tout cas d'une partie d'entre eux au moins, il continue à y avoir une mobilisation qui n'en démord pas, et c'est les personnes en question qu'on va rencontrer, certaines d'entre elles, puisque d'autres, dans l'après-midi de ce vendredi, étaient en discussion avec la députée Domézel, députée de la circonscription concernée. Et comme ça, on va y aller à bâton rompu, justement pour leur demander pourquoi ils continuent à se mobiliser, quelles sont leurs motivations. Ça permet comme ça de revoir directement avec les gens concernés. Puis après, on écoutera quelques-uns de Fort Calquier. Donc voilà, un saut à Manosque. Il faut continuer parce que simplement, on a un pouvoir d'achat qui est tellement faible en France, c'est plus possible de vivre. Donc alors déjà, les commerçants se plaignent qu'il n'y ait personne qui vienne dans leur magasin. Ce n'est pas parce qu'ils ont un gilet jaune, c'est juste parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Ça, c'est déjà une première situation pour tout le monde. Après, je vois comment ça se passe pour les personnes âgées qui sont en train de faire les poubelles. C'est pas normal. Je vois que les invalides, c'est pas mieux bientôt. Où on va? Donc il faut vraiment trouver une solution et il faut continuer le combat. Et là, vous êtes la plupart aussi dans cette situation ou ça dépend un peu des uns des autres? Non, c'est la situation plus ou moins de tout le monde en fin de compte. Et bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus aisés peut-être par rapport à d'autres, mais tout le monde se retrouve dans la même galère. Et en fin de compte, si on se bat, si tout le monde se bat, c'est bien pour un but particulier, c'est que c'est pour le pouvoir d'achat de tout le monde, de soi-même en particulier, c'est vrai, mais de tout le monde, voilà. Qui que ce soit, voilà, je ne sais pas. Pour vous, ça serait par exemple une hausse conséquente du SMIC ou quelque chose comme ça? Ça serait déjà un premier avantage. Après, on ne demande pas non plus plus ce qu'il faudrait, parce que je pense que dans la première des choses, ça va être compliqué déjà que le gouvernement cède à une première demande. Il va y avoir un débat que... On ne sait pas trop où ça va nous mener parce que... Débat national. Débat national, oui, pardon. On ne sait pas trop où ça va nous mener parce que, en fait, nous n'avons plus confiance aussi au gouvernement. Donc, beaucoup de la population française n'ont plus confiance, hein, on le sait. Hein, après, nous verrons bien, mais ça va être compliqué. Et le débat en question, même s'il ne vous inspire pas confiance, est-ce que vous pensez qu'il faut y participer quand même ou pas? Ou si les avis sont partagés ou... Les avis sont partagés, oui, les avis sont très partagés sur ce débat national. Hein. Après, par rapport aux cahiers de doléances qui vont être remontés, on voit bien aussi que les maires ne sont pas contents, hein, par rapport au gouvernement. Ils ont été un peu abandonnés. Surtout en milieu ruraux, comme ici dans le 04. Donc, je sais pas, c'est assez difficile, je pense, pour tout le monde. Hein, voilà. Et la mobilisation à Manosque, alors, c'était quand même un point très actif avec beaucoup de monde. Et dans la durée, c'est quand même toujours difficile de tenir, surtout que l'hiver, on commence à sentir sa froidure. Hein. Et je ne sais pas s'il y a encore des stocks de balettes à brûler. Mais... On en a toujours. Ouais. On aura toujours de quoi se chauffer, je pense, parce que les gens sont très solidaires envers nous. D'ailleurs, on les remercie, hein, vraiment pour tout. Tous les dons qu'on a eus, c'est voilà, l'élan des générosités qui a été vraiment extraordinaire. Voilà, ouais, vraiment. Et du point de vue de la mobilisation, alors, il reste un noyau dur ou c'est plus que ça? Ça reste... Ça reste soudé, hein, les gens restent soudés et viennent quand même, même si nous avons un terrain privé et voilà. Pas un rond-point comme avant. Mais... Du coup, l'endroit, vous allez le rendre plus visible, non? Que les gens qui passent devant le rond-point sachent qu'il y a quelque chose ou... rond-point. Ouais. On va retourner au rond-point. Mmh. On est juste en train de se mettre une petite maison ici pour rester à l'abri si on se refait déloger, mais on va reprendre... Comme un repli tactique, quoi. Ouais, mais on va reprendre le rond-point. Il sera à nous jusqu'à temps que... toujours à nous. Il a toujours été à nous, il sera toujours à nous. Ouais. C'est comme le pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas à l'État, il est au peuple, le pouvoir. Donc il faut qu'il nous revienne, ce droit. Donc voilà. Et là, avec le temps, maintenant, vous commencez à vous connaître tous plus ou moins, non ? Nous, on a fondé une famille, maintenant, voilà. On ne connaissait plus personne avant, maintenant, on a toute une grande famille, voilà. Et on est contents, on est solidaires des uns des autres. Et vos situations différentes, alors, vous, par exemple, c'est quoi votre histoire ou... Moi, je suis retraité, moi. Je suis retraité, je touche que 800 euros par mois, voilà. Ouais. Vous étiez dans quoi avant ? Chauffeur poids lourd. Ah, oui. Voilà, et depuis que je me suis retourné avec le camion, on ne m'a plus jamais redonné du boulot. Ah, oui. Voilà. Le camion s'est retrouvé sur quatre pattes ? Il s'est retrouvé 4 mètres en bas. Ah, oui. Ouais. Vous en êtes sorti. Le constat de la gendarmerie, des pompiers, rien du tout. Le patron, il a fait venir la grue, là. Ils ont enlevé ça et terminé, voilà. Ah, oui. Et moi, en tant qu'intérimaire, eh ben, j'étais comme un chien, voilà. Et vous, c'est quoi comme boulot ? Moi, je suis femme de ménage. Mmh. Et je pense que on n'a pas les métiers qu'on rêve quand on est jeune, quand on est enfant. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on écoute un peu ce qu'on aimerait faire dans notre vie et qu'on nous dit... On nous donne un peu plus de travail, quoi, parce qu'il y a des personnes comme les retraités. Je trouve pas ça normal qu'ils ont travaillé toute leur vie et qu'ils se retrouvent avec 800 euros pour faire leur mois. Ils payent le loyer, ils payent l'électricité, l'eau, etc. Il leur reste quoi pour vivre ? Rien. Ils viennent avec nous sur le rond-point alors qu'ils ont entre 70 et 90 ans. Je pense qu'à cet âge-là, ils préfèrent rester un peu chez eux au coin du feu que venir avec nous au froid. Et ils viennent avec nous malgré le froid. Ils se battent avec nous. Le cas de Lenji, la dame qui est à côté de moi, si avec mon mari on lui aurait pas sauvé la vie, je pense que à cette heure-ci elle serait peut-être hospitalisée parce qu'ils n'ont pas regardé l'ont gazé. Et pourtant elle est plus âgée que nous. Elle était en larmes au bord de la route. Elle j'ai pas compris le terme chargé. Ah oui. Donc ben, je suis restée comme un stasi, comme on dit en Provence. Hein. Ah, donc le jour où il y a eu le... Et j'ai pas compris le terme chargé. Ouais. Et ces deux jeunes gens, hein, qui sont un couple, m'ont attrapé sous les aisselles, ouais. et m'ont emporté avec eux parce que j'étais là et je bougeais pas. Ah, oui. Sinon c'était la cavalcade de flics avec les gaz et tout. Les gaz et tout. C'est ça. Et ouais. Puis après, bon, j'étais tellement touchée par le fait que tout flambait, qu'on était gazé, moi j'ai fait 68, j'ai même pas vécu ça en 68. Et j'avais 19 ans en 68. Hein. Et je me suis mise à pleurer. Et les deux jeunes gens, en fait, j'avais perdu, comment dirais-je, le sens de l'orientation. Et c'est eux qui m'ont sorti en me disant, mais ça va, madame, ça va. Et puis non, ça allait pas. Je savais plus où j'étais, je savais plus ce que je faisais là. Alors en fait, justement, pourquoi je suis là ? C'est parce que cette année, je n'ai pas pu faire remplir ma cuve de fioul. Parce que l'année dernière, j'ai fait le fioul à 0,62 centimes le litre. Et cette année, il était à 1,04. Et non seulement le problème financier, il y a eu aussi le problème moral. Je me suis dit, je me fais intuber, quoi. 1,04, alors qu'il y a le kérosène qui n'est pas taxé, il y a les bateaux qui partent en Corse qui ne sont pas taxés. Et vous faisiez quoi comme boulot ? Moi, j'étais enseignante. Et bon, j'ai une retraite entre guillemets correcte, mais ça ne me permet pas non plus, par exemple, quand je fais mes courses, d'acheter ce que j'ai envie de manger. J'achète des promos. Pour Noël, j'avais comme tout le monde envie de manger des queues de langoustes. Mais à 30 euros le kilo, ben, je n'ai pas mangé de queues de langoustes. Le soir du réveillon, même si ce n'est pas mon type de vie, manger dans un bon restaurant, oui, pourquoi pas. Mais même si ce n'est pas ma manière de vivre, eh ben, on est allé manger au resto chinois parce qu'avec 40 euros, on a mangé tous les deux avec mon mari. Et tout ça fait qu'on réalise qu'on ne mène pas la vie... Que l'on a envie de vivre. Moi, j'ai envie de manger comme tout le monde et pas manger. Voilà, on se restreint tout le temps. Alors, bien sûr, il y a une ministre qui dit « Ah, mais les retraités, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. Ils ont qu'à moins gâter leurs petits-fils avec des chocolats et des bonbons. Et puis, ils vivront mieux. » Mais si elle veut, je peux mettre une peau de bête aussi, et prendre un javelot et aller chasser. Oui, puis il faut être bien placé pour parler, parce qu'à la limite, si tout le monde faisait des efforts à égalité, c'est pas pareil que quand ceux qui sont bien placés, bien lotis, font la morale à ceux qui sont mal lotis. Voilà, tout à fait. Quand le ministre du Travail ne sait même pas le prix du SMIG, je trouve ça honteux quand même, alors qu'on est quand même en France, et il nous méprise, il nous rabaisse quand même, avec tout ce qu'ils disent, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Est-ce qu'il y aurait... donc il y avait, si on réfléchit à une possibilité de trouver une solution, donc c'est clair qu'il y a une profonde remise en cause dans l'inégalité des revenus pour que les revenus les plus bas puissent être viables. Et sinon, il y a d'autres revendications que vous avez à l'esprit là en ce moment toujours. Le RIC. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Le RIC, on le demande depuis le début et ça serait bien qu'ils le mettent en place. Hein. Après, ils le savent, nos revendications depuis le départ. Faut pas juste la hausse du carburant qui a fait que ce mouvement de gilets jaunes est parti. C'est vraiment tout ce qu'on revendique. Depuis le début, et les gens le savent. Voilà. Et c'est pas surréaliste en fait. Ce n'est pas surréaliste. Nous sommes réalistes, mais eux ne le sont pas. Et vous faites quoi comme activité? Je suis intérimaire. Ah oui. Ouais. Et alors donc des boulots très différents. La saison est compliquée, oui, début d'année. Vous avez fait quoi comme boulot différent par exemple? J'ai été dans le maraîchage, les champs, voilà, les grandes surfaces. J'ai fait un peu de tout. Hein. Ouais. Et vous, quand vous disiez en fait que vous n'avez pas pu faire le métier que vous voulez, ça remonte aussi à l'école, à la manière dont... Déjà, il n'y a pas forcément d'égalité à l'école aussi, selon les moyens, selon les espaces dont les enfants peuvent disposer ou pas, et tout ça. Et vous, comment ça se posait pour vous? J'ai l'impression que quand on va voir les conseillers d'orientation, qu'on leur parle de notre avenir, pour ma part, moi j'ai l'impression qu'ils font en sorte qu'on ne croit pas à nos rêves. Moi, depuis ma plus jeune enfance, je rêve d'être marin-pompier. Et dû à peu importe les notes ou autres, ils sont là en train de vous dire ah, vous n'y arriverez jamais, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas le mental, ni rien. Ça ne joue pas sur ça. Normalement, quand on veut quelque chose, on se bat pour l'avoir. Oui, c'est la première chose, c'est la volonté. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui était là et qui est toujours là. Ah oui, moi, elle est toujours là. Je ne serai peut-être pas marin-pompier parce que pour eux, je suis trop vieille puisque j'ai 25 ans. Mais début février, j'ai rendez-vous sur Gréou pour faire sapeur-pompier volontaire. Je débuterai comme ça et je monterai les échelons au fur et à mesure et je me battrai jusqu'au bout. C'est comme ça. Qui vous a donné cette envie, c'est d'avoir vu des pompiers ou... J'ai mon grand-père qui est ancien pompier professionnel à Marignane. Ouais. J'ai grandi autour des sapeurs-pompiers dans ma famille. À la base, je voulais faire rugbyman professionnel, mais les pompiers, ça m'a aussi beaucoup plu. Puis j'ai toujours promis à mon grand-père que je suivrai ses traces et je suivrai ses traces jusqu'au bout. Et là, donc, vous continuez, vous savez pas jusqu'à quand, ça va dépendre de s'il y a réaction ou pas et comment? Ah non, c'est pas, on continuera jusqu'à temps qu'il faut continuer, jusqu'à temps qu'on ait des réponses, parce que notre président nous a parlé que deux fois. Et encore, c'est limite... Il va nous envoyer une lettre lundi, il paraît, mais pas par courrier, bien sûr, hein. Par électronique, je crois, ce qui a été dit. Mais nous, ce qu'on attend, c'est pas une lettre, hein. C'est qui parle, qui... Et voilà, les faits n'y sont pas. C'est en général, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est en général. Mais là, ce qu'elle disait, c'est en tout cas au niveau de vie, que ça soit une augmentation des revenus les plus élevés, hein, une réduction des inégalités, et puis le référendum d'initiative citoyenne, qu'il faut définir aussi un peu plus précisément. Donc ça pour vous aussi, c'est un peu central pour tout le monde, non? C'est vrai, dans ce sens-là. C'est central pour tout le monde pour pouvoir arriver à déterminer les choses. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a trop d'inégalités. Entre le petit revenu, le moyen revenu, le haut revenu, c'est énorme, il n'y a plus de moyens. Voilà, le riche et le pauvre maintenant. C'est pas une question, chacun a sa richesse en fin de compte. Mais bon, il arrive un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut arriver, je ne sais pas, on voit les gens en fin de compte qui sont au-dessus, au gouvernement, à force de piocher, piocher, piocher, le petit n'a plus rien derrière. Donc il y a une certaine révolution qui se forme. Et d'ailleurs, on le voit là. Tout est là. Vous, vous imaginiez pas, je pense, il y a quelques années encore, qu'un jour vous seriez dans la rue ou sur un rond-point avec une exigence. Ça fait 30 ans, je le dis, moi. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais gouvernement. Je dis qu'en France, on est en prison libre. C'est tout. On va au travail, on rentre à la maison et c'est terminé. C'est ça, c'est vrai, effectivement. Mais bon, tout le monde avait son mot à dire, mais tout le monde continuait dans ce système-là. Et puis il arrive un moment, le moment est arrivé maintenant. Est arrivé maintenant, à force, on a dit le gasoil, en fait le compte, le prix du gasoil, c'est lui qui a débordé. La goutte d'eau, elle a débordé. Mais ce n'est pas que le gasoil, en général. On dit le gasoil, c'est un prétexte, en fait le compte, le gasoil. C'est la goutte de gasoil qui a fait déborder le vase. Voilà, qui a débordé, en fait le compte. C'est pour tout le monde, c'est sûr que. Voilà, le pouvoir d'achat. C'est inadmissible que les petits retraités se fassent bouffer. Leur peu de pognon, ils ont travaillé toute leur vie, vous rendez compte, pour se retrouver encore plus dans la misère. C'est pas. Il faut se tirer une balle à l'eau. Mais non, mais. Parle déjà des retraités, parce qu'ils ont travaillé, ils se sont levés le cul. C'est vrai. Ils se sont levés le cul, et derrière, tu leur ponctionnes encore tout. Mais il faut arrêter un peu les conneries. Ils n'ont plus rien. Il faut arrêter. Et nous, quand on va y arriver à la retraite, on va voir quoi? C'est plus un trou de cul, c'est un trou de balle qu'on va voir. Arrêtez. Et vous, vous faites quoi comme boulot? Je suis en maladie, moi. Je suis bouché normalement, mais je suis en maladie. Et, vous, et là, je suis au chômage, je suis en fin de droit, là, voilà. Macron, et j'ai plus le droit de travailler. Mais on veut rien me donner. Vous trouvez ça normal? Ah, non. Merci. Voilà. Oui. Kentoubi me dit que je ne veux plus que je travaille. Il m'a dit que je suis trop bousillé de partout. Et il me dit, monsieur, vous ne pouvez plus travailler. Je dis, mais alors je fais quoi? Vous attendez. Et voilà, donc j'attends. Et vous trouvez que c'est normal quand on vous dit ça? Voilà. Donc moi, je suis handicapé, moi, hein, en fin de compte. Donc parce que je parle pour les retraités, mais il y a aussi les handicapés, comme les gens qui sont comme moi, qu'il y en a beaucoup, qui ont travaillé plus ou moins toute leur vie, et qui sont bousillés aussi, il ne faut pas croire. Hein. Et la concertation avec les autres ronds-points, tout ça, ça marche On a des relations avec Perruy, Château Arnoux, Sisteron et La Saulce. Donc on essaie de se rassembler comme là qui en ce moment il y a les vœux des maires voilà, c'est des occasions, il y a les préfets sont là, les sous-préfets, les sénateurs. Donc on a essayé de discuter avec eux mais c'est très compliqué la discussion hein. Je pense que le climat est vraiment tendu. Donc voilà, on verra bien. Et oui, parce qu'en plus, il y a la question de la violence où il y a des reproches qui sont faits à ce niveau-là, mais aussi des simplifications. Donc, je sais pas, par exemple, Manos, qui avait l'histoire de l'arbre qui a cramé, ça a choqué des gens, mais... Je ne suis pas pour, hein. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est un défaut collatéral de nous, gilets jaunes. Hein. On ne cautionne pas du tout ça, hein. C'est sûr, de toucher à la nature... Ce n'est pas acceptable, comme de toucher aussi, on pense quand même aux policiers et CRS, hein, on n'est pas non plus tous contre, voilà, on n'est pas des brutes, hein, mais voilà, les simplicités. Ce qui est compliqué avec Christophe de Tinger, par exemple, parce que ça c'est très symbolique maintenant, c'est qu'en fait, d'un côté, il a protégé des gens à un moment, et c'est vu après. Et son geste était compréhensible, de l'autre, à un moment donné, il a fait des trucs inacceptables, parce que cogner quelqu'un à terre, ça se fait pas. Reconnu. Et donc du coup, oui, voilà. Ouais. Il l'a reconnu aussi de lui-même, les faits. Tels qu'ils étaient, hein. Donc ça on peut pas juger. Lundi dernier justement, bon, mais les CRS s'en sont pris aux plus vieux d'entre nous et l'ont tabassé à coups de bouclier, de matraque. Et le pauvre homme, il a un gros cocard au visage, il a un genou explosé, il a une cheville large. Et à cet âge-là, on met longtemps pour se réparer, quoi. Voilà, on n'en a pas parlé nulle part. On parle toujours de la violence des gilets jaunes, mais en attendant, on a eu 10 morts, nous. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Bon, tant mieux, hein, je ne revendique pas ça. Mais il va y en avoir encore combien de morts pour qu'on puisse enfin nous prendre au sérieux. Nous, c'est nous qu'on morfle actuellement. C'est pas l'autre côté. Et on nous montre à la télé que quand c'est les gilets jaunes qui font des actions et qui frappent. Mais les CRS, ils frappent aussi. Ils font pas voir là, les gens, les CRS et tout qui tapent. Parce que là, ils font la polémique sur le... Moi, je... sur le commandant à Toulon aussi, cette histoire, alors qu'il a des antécédents apparemment très choquantes et violentes, alors qu'il a eu la Légion d'honneur quand même en début d'année. Didier Andrieux. Ouais. Oui, on trouve ça quand même aussi une injustice totale. On ne comprend pas, quoi. Un commandant comme ça, de 400 hommes, qui poursuit ses fonctions, quoi. Et sinon, de manière générale, le soutien, comment vous le sentez? Ça fluctue, ça continue, ça? Très bien, il y a plein de personnes qui s'arrêtent pour nous donner de l'alimentation. Ouais. Dernièrement, il y a une mamie qui est venue en nous disant « Ce soir, je vous porte la daube de sanglier. » les gens qui partent et qui reviennent avec des pizzas chaudes. C'est vrai que les gilets jaunes, ça peut être un débouché pour les sangliers, hein, parce qu'il y en a toujours autant. On ne va pas les éradiquer quand même. Mais voilà, et puis les klaxons, les courages, les V de la victoire. Merci voilà. D'être là. Donc, les gens soutenus. Les gens qui ont fait des dons pour les fêtes, parce que nous, on a fêté les fêtes au rond-point. On a fêté le jour de l'an, Noël. Les gens, la générosité, ils nous ont apporté des huîtres, des crevettes, enfin, ils nous ont apporté des galettes des rois. Des bons produits, vraiment. C'est ça. Grâce à la solidarité, on a pu se faire un très bon repas pour les fêtes. On pensait pas qu'il allait avoir autant de solidarité pour les fêtes, surtout que les gens sont plutôt chez eux, en famille. Là, ils venaient au rond-point, ils nous ont ouvert les huîtres et tout, et sont venus nous les donner. Donc même ils nous ont apporté tout ce qui est galette des rois récemment. Ils nous ont fait des dons de galettes des rois. Enfin, c'est énorme la solidarité que les gens ils ont envers nous. Par contre, quand les CRS sont arrivés le premier lundi, hein, c'est-à-dire il y a 15 jours, ben, ils n'ont pas regardé que tout ça nous appartenait. Et ils sont arrivés avec une grue, et ils n'ont même pas laissé le temps d'enlever l'alimentation, d'enlever le matériel. Tous les dons. Et en fait, ça ne leur appartenait pas. Et ils ont tout viré dans des bennes. Ça fait du gaspillage, alors qu'il y en a qui meurent de faim. À l'autre bout du monde, ils n'ont rien du tout pour manger. Là, ils sont venus, ils ont gaspillé de la nourriture, des dons, des personnes. C'est des personnes quand même qui ont payé de leur propre argent pour nous donner à manger. Et eux, ils n'ont pas regardé si on allait avoir quelque chose derrière, parce que quoi. Non, ils ont tout enlevé. Alors, l'Indiana avait pris nos devants. On avait tout rangé pour pouvoir au moins avoir de quoi se nourrir, pour continuer à se batailler. Mais les gens, malgré qu'on est sur le terrain privé, ils viennent, ils s'arrêtent au bord de la route, ils viennent nous donner les dons. On va peut-être mettre un panneau d'ailleurs pour dire bienvenue ou un truc comme ça. Ouais. Non, on le voit pas assez. On le voit pas assez, peut-être, on le voit peut-être pas assez. Ça fait pas longtemps qu'on est installé. Bon ben, merci. Merci pour... On a fait un petit cimetière sur le rond-point. On l'a remis. Pour tous avec les prénoms des personnes qui sont décédées. Ah, et voilà, pour que montrer aux gens que ben, chez nous, on est en deuil, quoi. On est en deuil. Merci et à bientôt. Merci à vous. C'est nous qui te remercions de... C'était quelques entretiens près du rond-point de Manosque, près de l'entrée de l'autoroute, donc à côté du rond-point, sur la route qui va aux quatre chemins, comme on dit, la route en direction de Vinon, à je sais pas, 100 mètres, 150 mètres du rond-point. Il y a ce terrain sur la gauche où se trouvent les gens dont on vient d'écouter certaines d'entre eux, d'entre elles, Michel, Audrey, etc., que je remercie pour leur franchise, en quelque sorte, ça permet de... Et leur côté, leur expression directe, quoi, ça permet tout de suite de savoir les motivations des gens, de comprendre un peu, et on va poursuivre avec un entretien à Fort Calquier. Alors c'est avec la même personne, mais c'est un récit qui se déroule bien pour comprendre ce qui s'est passé les derniers jours de la part de ceux qui participaient au rond-point de Fort Calquier. C'est un entretien qui est fait par Lourdes. Donc on retrouve Kevin dans quelques instants. Je rappelle donc que ce sont des entretiens qui ont été faits la veille de l'acte 9, c'est-à-dire le 11 janvier à Manosque, et le 12, le jour où il y avait des manifestations un peu partout à nouveau, le 12 janvier 2019, pour ce qui concerne Fort Calquier. Voilà, je suis à Fort-Calquier avec Kevin. Kevin qui porte un beau gilet jaune sur lui. Et Kevin, tu fais partie de l'équipe qui des gilets jaunes de Fort-Calquier depuis le début. Et je voudrais que tu nous parles de ce qui s'est passé les derniers jours à Fort-Calquier, tout d'abord pour commencer. Alors les derniers jours à Fort-Calquier, on s'est fait déloger du rond-point. Donc on se doutait à l'avance qu'ils allaient venir. Donc en fait on avait enlevé tout le matériel qu'ils craignaient, c'est-à-dire les bâches, la nourriture, les cantines, le gaz, l'essence, groupe électrogène, etc. Tout ce qu'on avait qui nous servait à vivre sur le camp en fait, pour leur laisser que du bois à détruire. Donc ils sont venus 2 jours après pour détruire justement. Suite à ça, ils ont posté des gendarmes. En fait, ce sont les gendarmes maintenant qui occupent le rond-point là depuis jeudi. Les gendarmes nous ont expliqué, ainsi que le maire, que si jamais on montait sur le rond-point, c'était 1500 euros d'amende pour occupation de l'espace public, donc majoré à 3000 euros si jamais on ne paye pas. Que si jamais on était plus de 9, c'était manifestation non déclarée, donc illégale, et à ça il s'ajoute aussi des amendes, je ne connais pas réellement le montant. Donc maintenant on est un peu bloqué, donc on se rallie un peu de partout, un peu chez l'un, chez l'autre, un peu sur le parking de casino. Là on a pris la décision qu'à partir de lundi les réunions se feraient tous les jours à 17h devant la mairie, puisque faute d'espace à nous pour nous rallier, on va se mettre devant la mairie. Peut-être que ça va les motiver à nous trouver un espace, histoire qu'on dégage un peu la vue. Et puis voilà. Donc, il y avait aussi une histoire que si vous êtes plus qu'un certain nombre de personnes, il me semble que c'est 9, il y avait aussi un délit qui se rajoute. Oui, c'est ce que je viens de dire. Du coup, c'est manifestation illégale. C'est-à-dire, c'est considéré comme une manifestation non déclarée. Donc, ça, il y a des amendes qui se rajoutent. Là, actuellement, je ne pourrais pas dire exactement le montant, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Alors, du coup, vous n'êtes plus sur le rond-point, mais on est quand même tous ici. On est, peut-être une cinquantaine de personnes devant la place de la mairie à Fort-Calquier. Heureusement, il fait beau. C'est très sympa, c'est très calme. Et vous avez été au vœu des maires dans plusieurs endroits. Tu peux peut-être nous faire un petit retour ? Oui, alors les vœux des maires, en fait, ça a commencé samedi dernier. C'est une idée qui nous est venue comme ça. On s'est dit que puisque les élus faisaient leurs vœux et que c'était ouvert au public, il fallait que les gilets jaunes soient là. Donc on a commencé par les vœux du maire de Mannes, donc Monsieur Despied. Ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé du tout, on a été très mal reçus. On a essayé un petit peu dans la cohue d'approcher Madame la sous-préfète qui refusait de nous parler concrètement. On a dit qu'on voulait la rencontrer et qu'il fallait qu'on discute, et puis elle a rejeté en bloc quoi, en nous signifiant que de toute façon Macron avait été élu et que c'était comme ça et qu'il finirait son mandat, ce serait pas autrement. Ensuite, le lundi qui a suivi, juste après les heurts qu'il y a eu à Manosque suite au démantèlement du rond-point, le soir même, le maire de Manosque faisait ses vœux, donc on s'est présenté aux vœux du maire de Manosque. Ça s'est relativement bien passé. La suite de ça, on est allé au vœu du maire à Sisteron, donc Monsieur Spagnou. Pareil, on était une petite centaine de gilets jaunes, ça s'est très très bien passé. J'ai rapproché encore une fois la sous-préfète, toujours pour demander un rendez-vous, ce qu'elle a rejeté, et puis elle m'a dit pourquoi vous voulez nous rencontrer. Je lui ai dit que c'était pour essayer de trouver des solutions ensemble, pour éviter les violences qu'il y avait eu à Manosque. Donc il faut savoir qu'à Manosque, il y a un papy de plus de 70 ans qui a été pris à partie par 4 gendarmes mobiles qui étaient là en renfort et qui étaient sous le commandant du commissaire de la police nationale de Manosque. Ce papy qui s'est fait prendre à partie, il s'est pris un coup de matraque en plein visage, chose qui est interdite. c'est illégal, c'est, ça s'appelle de l'usage excessif de la force. Ensuite, il a été jeté au sol et roué de coups de pied, donc il a eu aussi les côtes cassées. Et à ça, la députée a répondu que ce n'était pas vrai, alors qu'on a des vidéos, en fait, hein, qui prouvent le contraire. Elle a dit que c'était pas vrai, que si on commençait à raconter des mensonges, c'était même pas la peine de, d'essayer de la rencontrer. On a approché le préfet aussi, qui lui, alors lui, il a pris le... Il a fait le contraire, lui, c'est-à-dire qu'il nous a, dit « Non, non, moi, mon cabinet, il est ouvert. Vous pouvez venir quand vous voulez. » Donc à ça, on lui a répondu que ça faisait 3 semaines qu'on prenait des rendez-vous, qu'il n'y avait jamais de suite, on n'a jamais eu de date. Donc ils sont totalement fermés à la discussion, il a dit que c'était pas vrai. En fait, ils sont dans le déni total, quoi. Le même lundi, il y a eu à Péruy la députée Bagary, Madame Bagary, qui est députée LREM du 04, de la, si je dis pas de bêtises, de la première circonscription. Donc elle, c'est la députée de Digne. Il y avait aussi le sénateur Roux qui était présent. Il y avait le maire de Péruy, Monsieur Vivos, qui était là aussi. Donc on leur a remis en fait. Les lettres concernant l'article 68, c'est celui qui demande la procédure, celui qui demande d'engager la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Donc on en avait une dizaine de milliers. Il faut savoir que avant de les rencontrer eux, on avait déjà remis à la députée Madame Domézel plus de 8000 signatures. Donc en tout, on en est à presque 18000 signatures de cette fameuse lettre, ce qui représente en fait plus de 10% de la population du 04, puisque dans le 04 nous sommes 157 000 si je dis pas de bêtises, et là on avait 18 000 signatures, donc c'est plus de 10%, ce qui est énorme. Donc leur réponse en fait, ça a été de dire que oui, bon, ils allaient le transférer, donc on a demandé des preuves, on a demandé à ce que ce soit filmé, est-ce qu'il y a des photos, etc. Ils ont dit oui, bon, ils rigolaient, mais je pense que les signatures n'atteindront jamais l'Assemblée nationale, n'arriveront jamais sur les bureaux des députés, ce qui en soi n'est pas bien grave, hein. De toute façon, même si on lançait la procédure de destitution du président, le temps que ce soit mis en place, il aura le temps de finir son mandat, voire même d'en entamer un deuxième. Donc, à la rigueur, c'est pas bien grave, mais c'était plutôt pour le symbole. Ensuite on leur a après ils ont pris la parole, ils nous ont sorti leurs éléments de langage habituels quoi, qu'on a l'habitude d'entendre. Ensuite on leur a parlé du RIC, savoir ce qu'ils pensaient du référendum d'initiative citoyenne. Donc ils nous ont dit que oui, ça pourrait être une bonne idée, mais pas sur tous les sujets, qu'il fallait que ce soit des questionnaires à choix multiples, etc. On leur a demandé de signer la pétition, puisque visiblement ils avaient l'air favorables à la mise en place du RIC, donc on leur a demandé de signer la pétition, ce qu'ils ont refusé catégoriquement. Donc ça c'est pareil, on s'y attendait, mais on a la preuve en vidéo qu'ils sont d'accord pour le RIC, mais ils ont refusé de signer la pétition. Et puis voilà, rien de plus. Ensuite aujourd'hui, on avait prévu donc une grosse partie du groupe de Fort-Calquier, nous avions prévu de nous rendre au péage de la Sols, ainsi que tous les autres groupes du 04 afin de tenir le péage. Ce qu'on a fait, on s'est retrouvé à plus d'une centaine sur le péage. À la suite de quoi, on a appris que Sisteron Nord restait fermé, qu'ils n'arrivaient pas à l'ouvrir, donc on a pris une bonne délégation, puis on est descendu à Sisteron Nord. Sisteron Nord, on a ouvert les péages. Les Sisteronais sont restés sur place pour le tenir. Suite à quoi, nous sommes allés à Péruy. Donc Péruy, il faut savoir que ça fait un petit moment qu'ils n'arrivaient plus à ouvrir leur péage, donc on est allé l'ouvrir. À la suite de quoi, on est parti, puis les Péruisiens sont restés sur place pour le tenir ouvert. On est allé à la Brianne, on l'a ouvert, et puis on a rejoint Fort-Calquier. Car il y avait un petit rassemblement de prévu à 14h devant la mairie. Il y a la photographe Sandy qui nous fait des photos exceptionnelles et qui avec l'accord des Fort-Calquierains a décidé de faire des petits montages photos sur différents thèmes. Donc là aujourd'hui c'était la Marianne, donc avec le sein de la Marianne, le fameux. Ils ont commencé les photos pour le sein de la Marianne, ils ont commencé les photos un peu plus tôt que 14h parce que le modèle Un petit peu la pression, quoi. Puis, ça s'est bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Ensuite, quelques gilets jaunes sont arrivés. Donc, on était plus d'une cinquantaine quand même. Hein. On était à peu près 80, voire plus. Ça n'a pas duré longtemps parce que, comme il n'y a pas eu de marche ni rien, ça s'est dispersé quand même assez rapidement. Là, il n'y a quasiment plus personne hein, sur la place de la mairie. Là, il reste une vingtaine de personnes. Voilà, mais bon, ça discute dans la bonne humeur. On refait le monde, quoi. Ça fait toujours du bien. Donc voilà un point de vue un peu différent de la manière dont en général les choses sont présentées dans les médias, puisque on voit qu'il y a quand même une volonté de discuter qui n'est pas toujours montrée du côté des gilets jaunes, et on voit aussi que cette volonté de discuter n'est pas toujours bien reçue, et ça n'est pas toujours montré. Il y a quand même souvent une certaine orientation dans le sens du manche, on pourrait dire, de l'information, qu'on soit d'accord ou pas. Il manque parfois d'objectivité, on pourrait dire. Alors on va reprendre le fil avec Kevin, qui a déroulé ce fil à travers les différentes présences qui ont eu lieu les derniers temps. Et puis on terminera aussi sur Fort-Calquier et les environs, puisque là il s'agit des gens qui sont mobilisés sur Fort-Calquier. Après il y a quelques annonces qui sont faites, mais ça on les écoutera en dehors de l'émission puisqu'elles sont ponctuelles. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le rond-point il est occupé maintenant avec une voiture de flic, tandis que les autres ronds-points de la région et même de la France, ils restent occupés par les gilets jaunes? Alors ça c'est parce que jeudi de cette semaine en fait là, DC TV, la chaîne DC TV là qui couvre le 04, c'est une chaîne d'information, elle est passée sur le rond-point suite au démantèlement, et j'ai pris la parole et j'ai signifié qu'en réalité nous ça nous arrangeait, parce qu'on attendait qu'ils viennent nous démolir parce que le camp se faisait vieux, et qu'on allait reconstruire plus beau, plus gros, plus conséquent pour montrer qu'on était là. Et donc ce fameux jeudi, le soir même, c'était les vœux du maire à Sisteron. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai approché la sous-préfète. Sauf que du coup, à la sous-préfète, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un moment où je lui ai dit que de toute façon, on aurait un rendez-vous et que s'il fallait, on allait investir la préfecture à tous les groupes du 04. Et je lui ai dit, vous savez, c'est très simple d'investir la préfecture. Nous, on est tous coordonnés, donc c'est soit vous nous donnez un rendez-vous, soit on va passer à l'action, quoi. Sans violence, sans haine, sans rien du tout, mais simplement investir pacifiquement la préfecture. Pourquoi pas faire une assemblée citoyenne à l'intérieur? Je trouve que le symbole serait quand même assez beau. Et puis répéter l'opération jusqu'à ce qu'elle daigne nous recevoir, quoi. Chose qui, à mon sens, n'est pas si compliquée que ça, de recevoir une petite délégation de gilets jaunes, histoire de discuter, même si rien n'en ressort. Mais au moins faire l'effort de le faire, quoi. Et je pense que ça n'a pas plu à la députée, dans la mesure où une demi-heure, une heure après que nous l'ayons rencontrée, les gendarmes ont reçu l'ordre d'investir le rond-point et de nous interdire de monter dessus. Donc, je ne veux pas tirer les choses vers moi, hein, mais je pense que la vidéo et le fait d'avoir interpellé la sous-préfète, ça a dû motiver ces actions, quoi. Le fait d'investir le rond-point par la gendarmerie. Donc les gendarmes qui sont venus le matin, le vendredi matin, donc hier matin, nous ont prévenu qu'ils avaient reçu l'ordre la veille au soir, justement, c'est pour ça que je sais ça. Et puis en discutant avec eux, je veux pas non plus trop en dire, mais en discutant avec eux, en fait, on se rend bien compte que, puis même moi, je me rends bien compte qu'ils ont rien à faire là, quoi, ces gens-là. Ils ont du travail à faire, et le fait de les affecter sur le rond-point et de les empêcher de faire leur travail, hein, qui est de maintenir l'ordre et de porter secours aussi aux gens, ils peuvent pas le faire à cause de ça. Donc en fait, là, on se trouve face à des problèmes d'égo venant des élus. Et c'est quand même relativement dommage, quoi, voilà. Donc là, maintenant, à Fort-Calquier, qu'est-ce qu'on a? On a une équipe de gendarmerie qui reste sur le rond-point à rien faire. Et on a une équipe de gendarmerie qui reste devant chez Monsieur Castaner, qui est un bâtiment privé en fait, hein, absolument pas public, mais il y a quand même une vingtaine de gendarmes qui restent postés 24 heures sur 24 devant chez lui pour garder sa maison, et ça depuis 2 mois. Et ça, on le paye avec notre argent, et c'est tout à fait inadmissible, quoi. Je veux dire, si jamais M. Castaner a peur que sa maison part en fumée, déjà il devrait se remettre en question sur sa politique et sa façon de faire, parce qu'un élu qui est droit dans ses bottes et qui fait les choses correctement n'a pas à craindre pour sa vie ni pour la sécurité de son habitat. Kevin, et 2 mois après le début de ce soulèvement des gilets jaunes, comment tu le sens toi? C'est quoi ton ressenti au niveau de ce qui se passe dans la région PACA, ici autour de chez nous à Fort-Calquier? Je pense qu'on va réussir. Je pense qu'on va réussir à faire quelque chose, mais ça va être quand même très long. Mais surtout, ce qu'il va falloir, c'est que les différents groupes arrivent à... Comment dire? En fait, on a une cohésion dans tout le 04. Clairement, hein, dans tous les groupes, on arrive à communiquer, on arrive à faire des actions communes, on arrive à se rejoindre et faire des petites réunions pour définir des actions à mettre en place, etc. Donc ça, je ne me fais pas trop de soucis. Là où je me fais du souci, c'est plutôt au niveau individuel. Il faut absolument que les gens se rendent compte, enfin en tout cas les gilets jaunes, que les petites embrouilles intestines, il faut les mettre de côté, il faut arrêter. À partir du moment où on a le gilet jaune sur nous, on fait tous qu'un. Voilà, on fait tous qu'un et il faut qu'on aille vers le même objectif. Malheureusement, dans tous les groupes, et je pense que ça ne doit pas être que dans le département du 04, ça doit être dans toute la région et peut-être dans toute la France, dans tous les groupes, il y a des petites embrouilles qui viennent se mettre par-ci, par-là. Donc bon, alors quelque part c'est normal parce que c'est des gens qui vivent en communauté, qui sont on est les uns sur les autres, on est tout le temps ensemble, donc il y a un moment où on en vient à se prendre un peu le chou, c'est normal, mais il faut absolument que ça prenne pas le pas sur l'objectif qu'on a tous en commun. Voilà, il faut vraiment que les gens au niveau individuel arrivent à prendre sur eux, arrivent à contrôler leurs émotions, sinon effectivement ça ira pas loin. Voilà, mais dans la mesure où les gens arriveront à faire ça, on pourra aller très très très loin. À partir du moment où ils arrivent à faire ça, non seulement on aura de la cohésion dans le 04, mais on arrivera à notre département à se mettre en cohésion avec les départements limitrophes, à savoir le 13, le 84, le 05, etc. On peut arriver à faire de grandes choses, mais il faut vraiment qu'on prenne sur nous et qu'on mette la fatigue de côté, qu'on mette nos égos de côté et qu'on pense qu'il y a une seule chose, c'est l'objectif, quoi. Voilà. Alors, point de vue objectif pour toi, c'est quoi la chose la plus évidente, la prioritaire, ce qu'on voudrait avoir par-dessus tout? Alors, la plus évidente et prioritaire, c'est le référendum d'initiative citoyenne, pour moi. Parce qu'à partir du moment où on aura réussi à instaurer cet outil qui est à la fois dangereux et extraordinaire, quand on aura réussi à mettre en place ça, on pourra régler tous les autres problèmes. Voilà. Et en second lieu, la mise en place du RIC, ça va être quand même très long. Donc en second lieu, ce qui serait, je pense, bénéfique pour tous, c'est une augmentation du pouvoir d'achat, quoi. Et le sentiment d'être moins seul et délaissé. C'était donc Kevin, interviewé par Lourdes. Oui, à un moment, il y avait une hésitation sur le fait que c'est contestable qu'il y ait des forces de l'ordre en nombre pour protéger la maison de Christophe Castaner à Fort-Calquier. Je pense que la part d'hésitation, c'était de dire que voilà, c'est quelque chose de privé qui est protégé par du public. Et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démonstration d'intention connue, du moins à nos yeux, à ses yeux, j'imagine, et à nos yeux, de volonté de dégrader ou de faire quelque chose contre cette maison. Pour l'instant, pour ce qu'on sait, il y a eu quelqu'un qui s'est pris en selfie devant, c'est tout. Il n'y a rien eu de menaçant véritablement, quoi. Mais bon, à notre connaissance, après, il y a peut-être des trucs qui nous échappent. En tout cas, ces entretiens, ils remettent sur la table des choses très simples, en fait. Hein, toujours des gens qui ont du mal à finir leur mois, comme il disait dès le début de cette mobilisation. Donc, la question de pouvoir vivre dignement et la question de pouvoir retrouver confiance en la politique à travers une intervention directe possible, en l'occurrence, à l'heure actuelle, ça prendrait la forme du RIC, comme ils disent, donc du référendum d'initiative citoyenne. Voilà, c'était quelques échos des gilets jaunes de Manosque et de Fort-Calquier au moment de l'acte 9, comme on dit, c'est-à-dire les 11 et 12 janvier 2019. Vous êtes de retour au fond près du radiateur. C'était donc une émission proposée par Radio Zinzine, une radio qui diffuse autour de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un grand big up à eux. Un grand merci à eux. On voulait simplement terminer cette émission, cet enregistrement, en parlant des blessés graves qu'il y a eu en France depuis le 17 novembre durant ces manifestations. Et pour rappeler qu'une infographie est sortie de Libération, il y en a d'autres, d'autres pages Facebook, etc., qui montrent tous les blessés graves, mutilés, en manifestation. Si vous n'avez pas Facebook, vous aurez malheureusement beaucoup de mal à voir ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a eu notamment 82 gilets jaunes blessés graves, c'est-à-dire le pire, ça a été une dame à sa fenêtre, une grenade a explosé devant elle, une grand-mère, et elle est décédée des suites de cette explosion. Et à côté de ça, ce sont des tirs de flashball récurrents, hebdomadaires on peut dire, voire quotidiens même, à la tête, donc toutes les parties de la tête, notamment un récemment qui courait et qui a été tiré de dos à la tête, ou alors pour d'autres c'est dans l'œil, la mâchoire, etc. Il y en a eu 67, dont certains qui ont perdu un œil à vie. Et d'autres pour qui ce sont les autres parties du corps, mains, jambes, pieds, le sexe ou les côtes. À cause de quoi ? À cause donc, peut-être certains ne le savent pas, le flashball qui est un pistolet qui va expulser une grenade en caoutchouc d'à peu près 6 cm de longueur sur 3-4 cm de largeur, à quelque chose comme 300 km/h et qui va paralyser le membre de la personne, la jambe en l'occurrence. En l'occurrence, là, c'est pas la jambe, c'est la tête directement. Donc les gens tombent, les têtes tombent. ça peut être aussi ça peut être aussi la matraque. Ça peut être par l'explosion des grenades lacrymogènes qui explosent dans le ciel. Certaines explosent dans le ciel, se divisent en plusieurs palais. Qui diffuse du lacrymogène, et ça tombe évidemment aussi sur les têtes, sur les capuches, sur les manteaux ou à terre. Bon. Et puis les grenades de désencerclement, qui sont là des grenades qui se divisent en plusieurs morceaux de caoutchouc, et ça explose, et ça va sur les personnes, et ça blesse, ça fait des petites plaies, sur les personnes. Donc on avait simplement envie de rappeler ça, on ne doit pas s'habituer à ça, on doit continuer à en parler, à le diffuser, à assister au mieux ceux qui en manif en sont les victimes, etc. Et surtout, ne pas hésiter à porter plainte. Il y a déjà eu à peu près, que 70 plainte contre apparemment l'usage répressif de ces armes, et l'usage illégal, parce qu'il faut savoir que le LBD, le flashball est interdit au-dessus de la poitrine. Il y a des abus par rapport à ça. C'est aussi quotidien, on a des relations, il y en a un c'est à la jambe, il y en a un c'est dans le ventre, il y en a un, Donc voilà, on voulait rappeler ça. Et puis, n'hésitez pas à réécouter le podcast. On va s'écouter une petite musique là, tranquillement. Et après, on va passer au fond, près du jukebox avec Alexis. face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand. Beautify the foothills, shake the many hands. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Toujours au fond, près du radiateur, sur 106.3. Fréquence Paris Pluriel. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, baby. Put a nickel in for Maybelline. Jukebox, baby. Drop another one for 17. Jukebox, baby. Jukebox, Saturday night. Et bonsoir, vous êtes au fond près du jukebox 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir Rob. Eh bien écoutez, c'est une nouvelle chronique qui s'annonce. Avant de commencer cette chronique, du coup, je voudrais souhaiter un gros big up à Lola Gantillon, réalisatrice du film Horizontal que nous avons reçu il y a peu sur cette émission. Vous pouvez dorénavant retrouver son film sur France 3 en allumant ta télé, ma gueule, ou en rediffusion directement sur le site de France 3. Pour cette émission, je souhaiterais aussi annoncer officiellement que Au fond près du jukebox fera une émission spéciale d'une heure et demie le mardi 29 janvier avec Source Phonique, association, label. Qui nous viennent tout droit de Reims, ils font vraiment vivre cette ville. Retour en arrière d'une association de diggers, de DJ, de passionnés et musiciens. Nous recevrons Clément Pillot et Alexandre Labarre avec nous pour faire un retour en arrière sur ces 5 années de culture vinyle, d'événements en tout genre, de concerts, de mise en avant d'artistes locaux et nationaux. Et on va officiellement annoncer pour la première fois une toute nouvelle aventure qui s'annonce pour eux, pour 2019. Le label Source Phonique. Soyez sur vos postes le 29 pour découvrir et rencontrer ces chevaliers underground et moi qui font vivre cette ville de champagne. Une heure et demie d'émission de découverte musicale et d'amour. Reims, une source phonique. mardi 29 janvier, 19h à 20h30. En attendant l'émission, je vous invite à aller les suivre sur Facebook et SoundCloud. Un vrai plaisir de les recevoir, ils le méritent. Entre les deux, je souhaiterais faire un petit salam, encore une fois. Nous avons une petite musique qui nous vient tout droit d'Alexandre Labar, un petit coucou de Reims, qui voudrait nous passer du Mister Business. Ça vient de Reims, c'est pour vous, c'est de sa part, en préalable. Fréquence Paris Pluriel. C'était Mister Business de la part d'Alexandre Labarre et de la Source Phonique de Reims. Merci les gars, c'était un petit coucou de leur part. Donc comme je disais, du coup, sans transition, demain soir, retrouvez l'événement de La Petite Bête organisé par Nella Fauve, une artiste que vous avez pu écouter sur cette émission. Artiste peintre, danseuse, énormément de choses. Pour cet événement, vous retrouverez au Noctambule, au 24, Boulevard de Clichy, de la photo, du live painting, de la musique, de la danse, de la magie, de bons verres en happy hour, bien sûr, ça fait toujours plaisir, une explosion artistique sur un plateau. Première petite bête de l'année 2019, du coup, présentée par notre bonne amie Nella Fauve. Je vous invite, du coup, à y aller. Il y aura également une belle scène ouverte pour tous les artistes, que tu sois peintre, que tu sois photographe, que tu sois danseuse, que tu fasses de la poésie, tu es la bienvenue. Voilà. Un autre petit avis d'événement, avis à tous les danseurs, les ravers, les rêveurs, les technopoufs, les DJ, les artistes psychédéliques, les couturiers, les collectionneurs et aventuriers de la night. Retrouvez un événement organisé par Nataraja et la quarantaine le samedi 26 janvier de 20h à 8h du matin pour vous faire kiffer l'univers que l'on se construit. Au programme, vous y trouverez de la techno. Vous pouvez retrouver Myler de South London Analog Material. Ils nous viennent tout droit de Irlande. Vous retrouvez les Welders, qui nous vient de Scriptum Records de France. Tommy Olohan, un autre Irlandais, et Kepa, un Français. Et vous retrouverez également Lily de la quarantaine. Vous aurez aussi de la psy-trans, attention, vous aurez de la psy-trans, vous retrouverez Angry, Mandala, Luna Grave, Heimer, Ed Weller, LDB System et Nataraja United pour une soirée de dingue. Il y aura deux scènes et un chill extérieur pour ceux qui veulent la techno, ceux qui préfèrent la psy-trans, ça va être un... Ça va être très très bon, comme tu le dis. Participez à l'événement et vous recevrez un post sur la page le soir même, vous donnant l'adresse exacte. C'est encore un lieu tenu secret, c'est insolite, mais croyez-moi, c'est extraordinaire. Il y a vraiment un très gros effort de présentation, de déco, de son. Vous allez en prendre plein la gueule. Vous allez vraiment en prendre plein la gueule. Et du coup, c'est un événement organisé par Nataraja et la quarantaine, le 26 janvier de 20h à 8h du matin. Retrouvez-les sur Facebook pour plus d'informations. Sans transition, au fond, près du jukebox, vous retrouverez pour février, si vous êtes un digger, si vous aimez la musique, le 10 février de 10h à 18h du matin, enfin, excusez-moi, de 10h à 18h, à l'espace Reuilly, c'est la Paris Loves Vinyl. Comme chaque année, vous retrouverez 60 exposants, plus de 100 000 vinyles à la vente, labels indépendants et un peu moins indépendants compris. Vous retrouverez 8 DJ sets pendant toute la journée, tout au long de la journée. Entre autres, vous pouvez retrouver le Melanton Crew, si vous aimez leur live que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous aurez Coco Marial et Rare Wax. Après, comme participants de vente vinyle, vous pouvez retrouver les fameux de balades sonores, les Bettinos Records Shop, les Dog Vinyl, les Hot Casa Records, et forcément, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. 100 000 vinyles, c'est énorme, vous pouvez en retrouver en bradé, vous pouvez retrouver des choses indépendantes, des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est une très belle conférence, et je vous invite très fortement à y aller, à prendre place un petit peu tout ça, et... Et voilà, au fond, près du jukebox, on aime la musique, on aime le vinyle, on aime l'indépendant, on aime Source Phonique. Toi qui m'écoutes. On aime toutes ces petites choses qui font plaisir avec de la musique. Pour la semaine prochaine, au fond, près du jukebox, nous aurons un peu plus... en tout cas, je ramènerai des invités qui nous joueront de la musique en direct. Je n'en dis pas plus, il faut que vous écoutiez votre radio pour en savoir plus, pour écouter en direct. Et je pense que ça sera à peu près tout pour au fond, près du jukebox. Cette semaine, je voulais vraiment surtout mettre en avant quelques événements. Je voulais encore saluer Lola Gantillon pour son travail et son court-métrage qui est officiellement sur France 3. C'était un très gros travail et en attendant, sur Paris, on vous aime. La radio vous aime. Restez au combat, les Gilets jaunes, on est avec nous. Nous allons revenir avec vous pour une petite page de son. Et en attendant, voilà, je le redis, Source Phonique, ça sera le mardi 29 janvier, 1h30 d'émission et de découverte musicale avec Serre et moi. Where the fuck have we here? These motherfuckers all throwing no rolls. You guys with a bad dream, better not sleep. Take a nose, oh, do some blow. Oh shit, what the hell have we done? It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the snacks in the dough. When it's out of my control, you a shit out of luck. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that weak shit you got. Good spot with that new vibe. Who's right? Broke the squad without new ones. I don't wanna sound unkind, but the sounds I make are the sounds of the hounds that I'm howling. Under your bed, I'm here growling. Same time under the blanket, you're cowering. Cowering like cowards, cowering on concrete showers in Rikers Island. Victims, we the wolves is wildin', we all smile. And that's sights of violence. Acting brave and courageous ain't advantageous for health and safety. So when we say run, the Jews just run them, baby. Please don't delay me. And that goes for a guy, lady. The fam, goddamn, we fucking crazy. I pull this pistol, put it on your poodle or your fucking baby. She clutched the pearl, said what the world, and I won't give a shit. I put the pistol on that poodle and I shot that. Run the Jews. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. Hey, hey, and the crowd.

Haters cannot put an end to me because I truly know who was my enemy, nigga. In the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. Now you out of mind. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. In the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. Now you out of mind. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. I am 106.3 FM, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, nous sommes toujours avec Robinson. Salut. Et nous sommes toujours à l'antenne. Alors petit big up, petit salut, petit événement demain, la petite bête, nous avons la Paris Love Vinyle le 10 février, nous avons Nataraja, attendez je cherche ma fiche, nous avons Nataraja qui se prendra le 26 janvier également. Bah écoutez, nous allons clôturer cette émission en parlant un petit peu... Robinson, des prochaines petites. Eh ben, des prochaines émissions. La semaine prochaine, on aura à nouveau notre petit Guillaume, notre grand Guillaume. Ah, le retour. Qui va venir. Il était un malade, il va revenir avec plaisir. Mouloud également, chroniqueur. Que vous aimez tant. Plus d'une décennie, hein. Oui, maintenant. Sur les ondes. La légende, oui, celui. Qui va revenir. On l'a. Qu'on aime tant. Voilà, ça. Que vous ça aimez fait tant. Plaisir. Notre Mouloud international. N'oubliez pas le Facebook au fond près du radiateur. Il y a une page, hein, allez sur la page où vous avez le lien des podcasts de ce soir, hein, qui apparaîtra ce soir ou même demain. Voilà. Exactement, ainsi que les rediffusions que vous pouvez retrouver le vendredi matin sur la 106.3 FM. Et vous avez aussi le Twitter AFP DJR. Oui, Twitter AFPDUR, il me semble. Hein. Au fond près du radiateur, voilà. Twitter. Voilà. C'est important, vous pouvez toujours avoir vos réactions, nous envoyer des messages, nous les lisons et nous pouvons vous faire des big up également si vous le souhaitez. On attend. Un petit mot, Rob ? Et donc, oui, pour redire que vendredi matin, c'est de 7h à 8h30. Et puis, n'hésitez pas, voilà, justement, à passer par. Le Facebook notamment, hein, c'est plus facile. Envoyez un message. Si vous avez un collectif, une association, voilà. Faites valoir le droit. Ou si vous êtes tout seul dans votre coin, ou par exemple dans votre entreprise, et que vous luttez, vous avez besoin et vous avez envie de partager ça et de diffuser ce qui vous arrive, n'hésitez pas. La radio est là pour ça. La radio, c'est ça. Nous sommes la voix des sans-voix, on est là pour vous. Voilà, ceux qui luttent, et donner la parole à ceux qui luttent, de la bonne musique et des petits collectifs indépendants à gauche, à droite. La culture, l'amour, l'entraide, l'humain, les manifestations pour ne pas se laisser faire. Et voilà, la révolte, hein, nous ne l'oublierons jamais. On va se terminer tout ça en musique. On remercie Thomas à la technique ce soir. Une petite musique là pour terminer, une avant-dernière musique. Et après, on vous passera, je vous dirai le titre tout à l'heure, Vapor Space Gravitational Arch of 10. Voilà. Quel accent! Allez, à la semaine prochaine. Vous êtes sur 106.3 FM. Bible.